Actualités. Le AfD est la deuxième force la plus forte d'Allemagne avec 19% selon les sondages électoraux. Le SPD accuse un retard de 17%. Cette tendance effrayante fournit les prévisions selon lesquelles les AfD continuera de gagner une popularité. En l'absence des faits, cela est uniquement dû à la faiblesse du leadership du chancelier Olaf Scholz. De même, les choses vont mal pour les Verts, qui n'ont qu'un modeste 15%. Le FDP arrive à 6% alors que la gauche, selon les sondages, n'obtiendrait même pas 4% des voix et raterait donc l'entrée au Bundestag. Le premier ministre indien Narendra Modi est attendu à la Maison Blanche pour des entretiens. Le président américain Joe Biden, qui a rabaissé le président chinois Xi Jinping, fait l'éloge de son invité indien, Narendra Modi. Les États-Unis veulent dissocier l'Inde de la Russie. L'Inde est le pays le plus peuplé du monde. Les États-Unis cherchent des alliés dans la région Indo-Pacifique, tandis que l'Inde est plus ou moins neutre. En prévision du changement, le secrétaire général des LONU, Antonio Guterres, et le président français Emmanuel Macron ont conjointement souligné l'importance d'adapter le système financier mondial à l'agenda environnemental mondial. Ainsi, une taxe expéditée sur les CO2 devrait également être envisagée. Emmanuel Macron souhaite que le secteur privé s'engage davantage dans la protection de l'environnement. Le chancelier allemand Olaf Scholz a réitéré son soutien à l'Ukraine avec des fournitures militaires et des munitions. Nous vous aiderons aussi longtemps que nécessaire. L'Ukraine est une candidate possible à l'UE et à l'OTAN, mais pas avant la fin de la guerre. Avec ses règles des procédures d'asile absurdes, l'Hongrie viole la législation européenne actuelle en matière d'asile, selon laquelle les demandes d'admission ne doivent être faites que dans des ambassades telles que Belgrade et Kiev. Vous êtes déjà éligible si vous avez demandé l'asile en Hongrie. Contrairement à la pratique de distribution hongroise. Merci beaucoup.